Notre planète et notre mère, les bonnes choses viennent de la terre. Nous sommes en train de la détruire, arrêtez donc de nuire. J'ai peur pour les années à venir, je pense que ça va mal finir. On aurait pu bien partir, mais là tout le monde va souffrir. Pensez à l'environnement, stoppez avec vos carburants. Mais quelle vie vont avoir vos enfants si on continue en polluant? J'ai peur pour les années à venir, je pense que ça va mal finir. On aurait pu bien partir, mais là tout le monde va souffrir. T'es en train de détruire ce qui te fait vivre. La nature, les plantes, les arbres font respirer. Aujourd'hui les machines nous enlivrent. On n'a plus qu'à regarder cela fermer puis crever.